Vous écoutez Futur Simple sur CKRL 89 et au 89.1 et on va poursuivre sur le thème des festivités de Noël et de la nouvelle année. Différentes occasions nous amènent à nous réunir et à adopter certaines traditions à table. Parmi celles-ci, le fait de porter un toast ou de lever son verre se fait presque partout dans le monde sans que l'on ne connaisse nécessairement la raison. Porter un toast, c'est le sujet de la chronique de Karine Gravel, nutritionniste et docteur en nutrition. Bonjour Karine. Bonjour François. Alors Karine, pourquoi est-ce qu'on porte un toast? Quelles sont les origines de cette tradition? Mais les origines du toast remontent au Moyen Âge, donc ce qui veut dire là, entre les années 476 à 1492. Ça fait longtemps. Là. Ça fait très longtemps. Donc à cette époque-là, l'empoisonnement était une pratique assez courante lors des banquets, des repas ou des fêtes entre les nobles et les seigneurs qui étaient ennemis. Les poisons étaient aussi utilisés par certains voleurs pour assassiner les gens aisés et voler leur fortune. Donc, c'était plutôt barbare comme façon de faire, mais c'était la coutume à cette époque-là. Donc, la solution pour éviter un empoisonnement, c'était qu'avant le service d'une boisson, les hôtes versaient une petite quantité de leur propre boisson dans le verre de leurs invités et réciproquement, les invités faisaient la même chose. OK. Donc, on échangeait la boisson de l'autre. Là. Exactement. Donc, en mélangeant le tout et de cette façon-là, on s'assurait de ne pas être empoisonné. Donc, petit truc pratique. Et comment est-ce qu'on en est venu à cogner nos verres? Mais à un moment, verser une quantité de boisson dans le verre de l'autre, comme je viens de décrire, ça insinuait déjà en partant un soupçon. Et ça pouvait témoigner d'un certain manque de politesse ou de considération là, à l'égard de la personne qui nous recevait. Donc, la coutume suivante, c'était que les hôtes remplissaient les verres de métal jusqu'au bord. Et lorsque les convives cognaient leurs verres suffisamment fort, donc un peu de boisson s'échangeait naturellement d'un verre à l'autre. Donc là, on peut imaginer la scène, ça devait prendre un bon ménage du plancher, surtout si on avait du vin rouge, c'est et ça. Un bon lavage de vêtements après avoir levé un toast. Et c'est le bruit que faisait le cognement des verres, donc ici c'était des verres de métal, là, qui serait à l'origine de l'expression chin-chin, où on cognait les verres deux fois plutôt qu'une, encore une fois, par mesure de précaution pour que le mélange se fasse bien entre les boissons. Donc, la confiance régnait, quoi. Exactement. On va laisser méfier. Hein? Donc, une autre règle est qu'après avoir cogné les verres, les convives devaient déguster une première gorgée en se regardant dans les yeux. Donc là, connaissez-vous la raison? Non, pourquoi? Je suis très curieux. Alors, à cette époque-là, hein, on se ramène toujours à cette époque-là, donc c'était une façon supplémentaire, autrement dit, de prouver qu'on n'avait pas la mauvaise intention de s'empoisonner l'un et l'autre. Donc, si l'autre convive semblait stressé ou tentait de détourner le regard, à ce moment-là, il pouvait être reconnu comme un traître et il était soupçonné là, de tentative d'empoisonnement à ce moment-là. Ouais, c'est quand même incroyable, hein? Ça devait être stressant de porter un toast au Moyen Âge. Oui, d'après les lectures que j'ai faites, c'est un peu la paranoïa. Donc, aujourd'hui, la coutume veut qu'on continue de se regarder dans les yeux lorsqu'on porte un toast parce que c'est une marque de politesse et de convivialité. Donc, tout à fait. Rester. C'est ça, en fait, là, le sens a changé, effectivement. Oui, voilà. Et c'est bien ça. Oui. Et porter un toast et lever son verre, en fait, sont des synonymes. On utilise aussi le verbe trinquer. Oui, mais le verbe trinquer n'est pas officiellement reconnu là, par l'Office québécois de la langue française. Okay. Donc, c'est pas dans le dictionnaire. Okay. Mais le terme qui est privilégié, c'est le toast. Donc, on va dire porter un toast. Donc, ça, c'est ce qui est bien accepté dans la langue française. Donc, qui veut dire lever son verre en l'honneur de ce qui est souligné à ce moment-là. Donc, ça peut être de se réunir pour boire à la santé de quelqu'un, pour l'honorer, lui souhaiter de la chance ou du bonheur. Ou c'est encore pour souligner un événement spécial, comme on fait souvent ou comme on va bientôt faire dans la période de Noël. Donc, aussi, la personne qui lance l'invitation à porter un toast, généralement, va prononcer un bref discours. Et concernant le verbe trinquer, bon, qui n'est pas officiellement reconnu, ben c'est un mot qui vient de l'allemand trinken, veut dire boire. Mm-hmm. Et est-ce qu'on porte un toast uniquement avec des boissons alcoolisées ou ça se fait aussi pour d'autres types de boissons? Ben voilà, oui, ça peut arriver effectivement. Donc par exemple dans les pays musulmans, on porte un toast avec du thé ou du café, ce qu'on voit pas vraiment ici. Hein. La coutume veut qu'en Amérique puis en Europe, l'usage soit généralement pour des boissons alcoolisées comme du vin, de la bière ou encore du cidre. Donc, les différents pays ont leurs propres coutumes concernant leur façon de porter un toast. Donc, pas seulement dans le type de boisson utilisée. Est-ce que tu peux nous donner des exemples? Oui, bien sûr, il y en a plusieurs. Donc, en France, notamment, les femmes sont servies en premier, ce qui est très bien. Ensuite, on remplit pas plus de la moitié du verre. Et il est aussi considéré mal élevé de se servir son propre verre. Ah bon, OK. Donc, puis au Japon, c'est aussi la même chose. C'est considéré impoli de se servir son propre verre. Donc, on doit s'occuper de remplir celui des autres convives. Puis, ils nous le rendent à leur tour où on espère qu'ils le fassent. Il y a aussi en Géorgie, qui est un pays là, qui est situé sur la ligne de division entre l'Europe et l'Asie, la tradition veut qu'on porte un toast là, 20 à 30 fois par repas. Oh là, OK. Donc, ça peut devenir un peu redondant. Souvent, comme dans les noces aussi, on voit ça. Oui, qu'on cogne les coups, ça m'a fait penser à ça, moi aussi. En Chine, un autre exemple, c'est ça, la personne plus âgée tient son verre plus haut que la personne jeune. Puis une fois que la première consommation est bue, cette consommation-là doit être bue d'un coup, la première, puis le verre est retourné à l'envers là, sur la table pour montrer que tout a été bu, il ne reste plus rien. OK. Autrement, un autre exemple, en Australie, chaque personne est censée payer sa tournée à un moment, car le fait de ne pas le faire pourrait être perçu comme étant une très mauvaise manière. Et François, as-tu déjà entendu que le fait de ne pas suivre certaines règles pendant qu'on porte un toast peut conduire à 7 années de mauvais sexe? Non, pas du tout. J'avais jamais entendu ça. Mais en fait, qu'est-ce qu'il faut faire alors dans ce cas-là? Oui. Ben, en fait, pour les auditeurs qui sont au courant de ça, je sais pas si c'est une croyance, mais on veut pour éviter ça. Donc, si par exemple on est en Espagne, il faut éviter de porter un toast avec un verre d'eau. Si on est en République tchèque, il faut éviter de croiser son bras avec celui d'une autre personne durant le toast. Autrement, il paraît que la superstition va fonctionner. Le fait de ne pas se regarder dans les yeux aussi, des fois on entend ça ici au Québec, en tout cas je ne sais pas pour ailleurs. Ah, mais... OK. Donc évidemment, ces croyances-là sont sans grand fondement, mais plutôt amusantes. Et des fois on cherche un peu loin pour trouver des trucs insolites. Par contre, l'anecdote qui m'a le plus surprise et même un petit peu dégoûtée, c'est une coutume canadienne qui a lieu quand même loin d'ici. C'est dans un bar de Dawson City au Yukon. Okay. Donc, depuis 1973, on peut commander à cet endroit-là la spécialité locale, c'est un cocktail qui s'appelle « Sore Toe ». Donc, « toe » qui veut dire « orteil ». Okay. Donc, oui, il y a un orteil humain qui nage dans votre verre, dans votre cocktail. « Sore », ça veut dire « malade » ou… Acide. C'est plus en lien avec le goût. Oh. Donc, après, l'orteil est récupéré. Et il semble que c'est plus de 60 000 personnes là, qui auraient payé pour avoir le privilège, si c'en est un, de boire ce cocktail-là plutôt étrange. Donc, par exemple, une petite anecdote, là, en 2013, ce cocktail-là a fait la une des journaux, et c'est comme ça que j'en ai entendu parler, parce qu'un client avait volontairement avalé l'orteil. Ouf. Donc, il semble que ce soit arrivé à 8 reprises depuis 1973, mais les propriétaires du bar semblent avoir des orteils de réserve. OK. Puis on ne sait pas d'où elles viennent, ces orteils. Non. Peut-être qu'on ne veut pas le savoir non plus. Ouais, probablement. Donc, assez d'émotion avec cette chronique-là qui se voulait porter un toast qui se termine avec des empoisonnements, du cannibalisme. Donc, je vais m'arrêter ici et porter un toast pour la dernière émission de Futur Simple de 2014. ce soir, on va se retrouver l'an prochain avec possiblement un sujet plus sérieux. Alors, merci Karine pour en savoir davantage sur la nutrition, les comportements alimentaires et pour écouter tes chroniques précédentes. On peut visiter ton site, Karine. Oui. Est-ce que tu peux nous donner l'adresse? Oui, karinegravel.com. Bon, voilà. Alors, merci beaucoup Karine et de très joyeuses fêtes. Merci beaucoup, à l'an prochain. Oui, I'll drink to that. Alors, nous allons faire une courte pause publicitaire et nous allons revenir après avec Marie-Claude Dionne.